les gens qui rêvent de petits gris vont trouver leur marchand de rêve. Ouais. Ben, vous savez, anciennement, ben, c'est comme c'était des incubes, des succubes, des affaires de même. Mais c'est tous les mêmes phénomènes pareils.